Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les Halles ou le cœur brisé de Paris. Parce que c'est le centre de Paris, parce que s'y confronte l'histoire d'un lieu et son usage quotidien, parce que se mêle nostalgie d'un temps disparu et désir de progrès, mémoire collective et souvenirs personnels, parce que sur ce carrefour se superpose tout ce qui constitue un territoire, transport, activité, usage, architecture souterraine et de surface, parce que l'urbanisme est toujours un enjeu de pouvoir, et bien pour toutes ces raisons, les Halles de Paris sont sans doute le projet urbain qui soulève depuis 50 ans le plus de passion, d'affrontement et de fantasme. Du marché des Halles sous les pavillons Baltard au 19e siècle jusqu'à la Canopée, le toit du nouveau forum inauguré en 2016, le cœur de Paris est une série de couches inventées, détruites, recouvertes, sur lesquelles se sont penchés les plus grands noms de l'architecture, se sont éprouvés les courants et les modes de chaque époque, se sont affrontés pouvoirs publics et associations de riverains, se sont révélées enfin les rivalités entre adversaires politiques, qu'ils soient président de la République, maire de la capitale ou élus locaux. Le temps d'une émission, revenons donc sur cette histoire, avec en seconde partie notre invité David Mangin, architecte du dernier projet sélectionné en 2004. Vous entendrez aussi un reportage d'Anaël Verzo qui s'est rendu aujourd'hui au Halles à la rencontre des riverains, des usagers et aussi des différents acteurs du dernier projet de réaménagement. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Les Halles vivent leurs 100 jours en ce moment. Pour moi, c'est un larcin qu'on fait au peuple de Paris. Enfin, je sais bien, je ne suis pas chargé de faire de l'urbanisme, mais on fait passer les plus gros camions dans les plus petites rues, c'est pas normal. Mais peut-être justement à cause de ça, à cause de la malcommodité des lieux, d'un tas de choses qui ne sont pas rationnelles. Ça a déclenché une espèce de bonne volonté et d'humour que Paris va perdre. André ! André, tu mets 120 kilos au lieu de 100 kilos ! 14 janvier 1969. C'est souvent quand les choses disparaissent qu'on se met à les voir. Et tout est dans le titre du magazine diffusé ce soir-là sur l'ORTF, Les Halles, ceux qui ne partiront pas. Ce soir-là, à la télé, on célèbre le déménagement des Halles de Paris avec comme présentateur d'un soir Robert Doisneau, le célèbre photographe de 57 ans, artisan d'un art qui peut-être plus que tous les autres permet de sauvegarder les vestiges de monde perdu. 3 ans auparavant, le 24 décembre 1965, le décret a été signé. Le Grand Marché de Paris sera donc transféré à Rungis, à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale. Dans la France des Trente Glorieuses, où la modernité fait loi et le progrès slogan, on cherche depuis 10 ans une solution pour cet immense centre d'échange de marchandises devenu exsangue, insalubre et impraticable. Alors, Robert Doisneau, le photographe du peuple parisien, celui des baisers volés, des écoliers buissonniers, du quotidien anonyme et des héros ordinaires, se lève toutes les semaines, oui, à 3h du matin, pour aller photographier ce lieu unique amené à disparaître. Je suis contre le déplacement des Halles parce que la dispersion des professions est assez difficile. Refaire un marché de 15-20 km pour les fruits et légumes ailleurs, les commerçants vont perdre un temps infini, perte de temps, perte d'argent. Je veux savoir ce que vous pensez, vous, du transfert des Halles. Si je parle de mon point de vue, ce sera certainement beaucoup plus facile là-bas. Pour quelle raison ? Déjà pour le déchargement des camions. Je suis contre le départ des Halles, ça perdrait tout le charme de Paris et je dis une chose que... Il devrait y avoir un peu d'aménagement, parce qu'avec tous les cachots sur les trottoirs, à partir de certaines heures, moi j'ai une paire de bras tous les jours à m'acheter. Je suis pour le transfert des Halles à une condition qu'on regroupe les Halles de la même façon qu'elles soient ici. Je suis contre le déplacement des Halles. Ça porte une incidence qu'on semble souvent oublier, c'est que nos fonds de commerce ne sont plus vendables. Qui va venir s'installer aux Halles? Qui va racheter nos fonds lorsque nous voulons nous retirer? Il n'en est plus question. Les Halles, pour moi, représente exactement le lieu où je trouve toutes les beautés du monde et toutes les plus belles lumières du monde. Et les types d'individus que j'aime bien. Et je crois qu'ils le sentent parce qu'ils me supportent. Nuit après nuit, Robert Doisneau s'immisce, se faufile dans les dédales de cette véritable ville dans la ville. Il imprime sur la pellicule ce quartier des Halles, où l'histoire se compte en siècles. Là, l'église Saint-Eustache, ici la fontaine des Innocents, puis la bourse du commerce et ses noms de rues et de boulevards, Lescaut, Rivoli, Sébastopol, Saint-Denis, qui le délimitent dans une cartographie intime. Enfin, surtout, les 12 pavillons de l'architecte Pierre Baltard, immense structure de fer et de verre construite en 1854 à la demande de Napoléon III et du baron Haussmann, pour ordonner le ventre de Paris, surnom donné à ce lieu par l'écrivain Émile Zola dans son roman éponyme. À l'intérieur du cadre, Robert Doisneau saisit les visages, les figures, les trognes de cette communauté de l'aube, ses rites, sa langue et ses gestes. Ballets nocturnes où les charrettes des maraîchers rencontrent les camions des routiers. Désordonné, anarchique, chaotique, le mouvement des halles se régule avec ses règles propres et ses personnages comme autant de rôles. Au centre, bien sûr, les musclés qui déchargent la marchandise, accompagnés parfois de renforts, travailleurs pauvres, immigrés, embauchés pour la nuit. Viennent ensuite les marchands, poissonniers, fleuristes, bouchers, puis ceux qui se greffent autour, vendeurs de frites ou de crêpes à la sauvette. Enfin, les clochards et les marginaux. Le travail est dur, mais libre, loin de l'usine qui enferme et qui aliène. Acheteurs, vendeurs, provinciaux, banlieusards, riverains, tous se mêlent, ça crie, ça harangue, ça négocie. Un petit crème, madame. Le petit matin venant, tout ce beau monde se retrouve au bistrot, le pied de cochon, le café, chez Piton, où les travailleurs croisent les prostituées, les habitants de ce quartier modeste et laborieux, ou ceux enfin qui viennent ici terminer leur nuit de fête. Les belles femmes et les cajots, les noctambules et les palettes. Tout ça, ça restera quand même. Je crois qu'il faut surtout garder l'ambiance des halles. C'est peut-être un théâtre de plein air le plus grand du monde, où s'y côtoient toute la société des gens qui viennent après au sortir de l'opéra, à la sortie des théâtres. Ben vous y rencontrez des hommes en frac, en habit, de belles femmes en toilette de soirée. Et ces gens se croient même parmi les tas de légumes, la viande parmi les forts, parmi les chariots. C'est une vie constante des halles, comprenez-vous? Est-ce que vous pensez qu'on retrouvera à Rungis l'atmosphère de ces petits cafés? Savez, pour l'atmosphère, par exemple pour Rungis, ça sera pas pareil. Donc. Ça sera les grands cafés, mais la nuit, les gens qui feront vraiment la java ici, ils n'iront pas la faire vraiment à Rungis comme ils la feraient dans les petits cafés ici. La Rungis, c'est un peu... Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Et vous, personnellement, vous vivez des halles, vous avez un petit commerce? Oui, mais moi ça y est, moi je suis complètement détruit ici. Ici, nous ne reclassent pas, ici. Nous. Mon genre de commerce ne nous reclasse pas. Mais votre commerce, qu'est-ce qui va devenir? Ah, perdu complètement. Alors, madame, qu'est-ce que vous allez devenir quand les halles vont aller à Rungis? Ben, je vais aller à la retraite, parce que je ne peux pas y aller, je suis trop vieille. Dans la nuit du 2 au 3 mars 1969, la dernière, tout le peuple des halles fête la fin d'un temps, d'une vie, d'une époque. Avec ses reportages, avec ses centaines d'images et les photographies de Doisneau, ce monde qui s'éteint entre dans l'histoire devient cette mythologie où se love nostalgie et mélancolie. Tous sont sûrs d'une chose, plus rien ne sera jamais comme avant, et tous s'inquiètent. En effet, comment et par quoi remplacer ce lieu et cette vie unique? Quel que soit l'avenir des halles, il faudra qu'il reste des commerçants aux halles. Le commerce... dans la vie d'une cité, est un élément non pas simplement d'activité économique, mais de vie de la rue, de contact entre les hommes qui se rencontrent chez les commerçants, qui se rencontrent avec les commerçants, et ainsi se créent des liens, des relations, des connaissances qui donnent à la vie dans une ville une certaine chaleur, une certaine humanité. Avec les halles de Paris, c'est aussi un président qui s'en va. Fini la France du général de Gaulle, place à celle de Georges Pompidou, élu le 29 juin 1969. À la fois héritier appliqué, continuateur engagé, le nouveau président que vous venez d'entendre entend bien exaucer les vœux du général. Le projet des halles, voilà quelque temps déjà qu'il est lancé. Que ce soit l'ancien président, son successeur, le préfet qui alors préside le conseil municipal d'une capitale sans maire, ou les grands financiers, tous imaginent une opération grandiose pour le cœur de Paris, un geste architectural et urbain censé marquer le siècle. Un projet moderne qui incarne le progrès et qui s'inscrit au sein du vaste plan prévu par la région francilienne. Les décideurs partent d'un constat. Le cœur de Paris doit se défaire de cette image de déclin, de labeur, de marginalité. Et ils saisissent une opportunité. conserver la situation de Carrefour à l'échelle régionale du plateau des Halles, réaliser ici même en sous-sol l'interconnexion des RER. Bien, mais que mettre au-dessus de ces transports ? Là, le plateau des Halles est irrémédiablement lié à celui de Beaubourg, juste à côté. Sur ce dernier, on prévoit un grand centre d'art contemporain. Alors, pour les nouvelles Halles, le sous-sol devra accueillir des équipements commerciaux, culturels et de loisirs. Pour la surface, on pense un temps à y mettre les ministères des Finances ou un grand centre international des affaires. On imagine des gratte-ciels, des tours ou des structures sur pilotis. Le Conseil de Paris organise une expo avec les 6 maquettes envisagées. Les visiteurs se pressent et leur mine se défait. Primo, dans tous les cas, on prévoit de détruire les vieux immeubles adjacents et surtout les 10 pavillons de Baltard. Deuxio, les immenses tours, les blocs de béton là au cœur de Paris. Eh bien, ça effraie les Parisiens. Alors, sur les plateaux de l'ORTF, le préfet Maurice Doublé fait de la pédagogie et tente de rassurer. Et ces 6 maquettes, monsieur le préfet, que vont-elles devenir ? Alors, les maquettes représentent pour nous un moment dans la procédure qui a commencé il y a 8 ans à la suite de la décision du conseil municipal de lancer des opérations d'urbanisme, une définition du programme. Elle représente également un moyen pour mieux cerner les différentes données du problème. Il n'est pas question pour nous, il n'a jamais été question pour nous de représenter un des projets schématisés par la maquette. C'est simplement pour donner un souci d'information, pour être plus concret, pour que les gens se rendent mieux compte de ce que pourrait faire tel ou tel architecte de telle ou telle tendance. Mais c'est tout. C'est un outil de travail. C'est un outil de travail. Le déménagement du marché des Halles avait créé une certaine émotion, mais chacun savait au fond qu'il était inévitable. L'annonce de la destruction des ouvrages de Baltard provoque immédiatement la mobilisation de nombreux acteurs. Des universitaires, des intellectuels, des journalistes, des élus, tous s'insurgent contre cette décision qui s'apprête à démolir les œuvres de l'architecte. Des riverains, également, rejoignent le mouvement, car beaucoup d'entre eux vont devoir quitter leur logement, sacrifié sur l'autel du renouveau. Vidés des hommes et de leurs activités, débarrassés de l'insalubrité, les pavillons auxquels on prêtait peu d'attention jusqu'ici révèlent pour beaucoup toute leur beauté architecturale en même temps que leur valeur patrimoniale. Surtout, le Conseil de Paris, qui craint que le lieu soit totalement déserté et marginalisé le temps des décisions, autorise des activités et des manifestations provisoires dans les pavillons. Ainsi, un an après 1968, l'ouverture de cet espace de liberté est plutôt bienvenue. Très rapidement, les pavillons sont investis par des collectifs de théâtre, de danse, des spectacles de musique, de cirque, des salons d'antiquaires ou des expos. Et c'est ainsi qu'au fil des jours, le mouvement de défense des pavillons prend de l'ampleur. En 1970, une pétition recueille 100 000 signatures. Un milliardaire américain propose de les racheter pour les démonter et les installer aux États-Unis. On organise des manifestations, on crée des associations, on monte des expositions pour défendre les dernières traces de ce Paris à conserver. Et quel a été le succès de cette exposition ? Eh bien, nous atteignons, alors qu'il est la 120e heure d'ouverture, avec 25 000 visiteurs, 5 000 habitants des quartiers du centre et 20 000 visiteurs provenant de toutes les classes sociales, de tous les arrondissements et même de la banlieue. Voici ce que pensent certains Parisiens de la démolition des quelques quartiers des Halles. Il est incroyable de vouloir détruire quoi que ce soit. Il faut faire une reconversion du quartier dans un but culturel et non un but économique. C'est tout un passé qu'on ne peut pas éteindre, c'est pas possible. S'il n'y a encore rien, il y a quand même l'histoire. Et c'est ça qui fait le charme de tout, n'est-ce pas, de Paris. Je suis absolument contre la destruction de ce quartier. Je considère que c'est absolument un crime. Et c'est cette exposition que je viens de voir d'ailleurs avec le plus grand plaisir me prouve qu'on pourrait très bien conserver une grande partie de tout ce magnifique quartier de Paris. Mais visiblement, le pouvoir n'est pas sensible aux suppliques des Parisiens. Revers de l'initiative, Georges Pompidou voit d'un mauvais œil l'occupation de ces bâtiments en plein centre de la capitale par les mêmes jeunes gens qui, un an auparavant, jetaient les pavés et contestaient l'autorité. Et puis, la plupart des décideurs de l'époque sont persuadés que le futurisme des projets proposés a plus de valeur esthétique que ces pavillons au style passé de mode. Car il n'est pas encore dans l'air du temps de penser le neuf avec du vieux. Et puis, la majeure partie du projet se fera en souterrain, au-dessus de la gare où l'on a décidé d'enfouir la plupart des équipements. C'est d'ailleurs la première opération d'urbanisme souterrain lancée dans le pays. Finalement, Au cœur de l'été 71, pendant que les Parisiens sont en vacances, bulldozer et pelleteuse entrent dans la danse sur le plateau des Halles. Les ouvriers ont donné le premier coup de pioche pour la démolition des pavillons de Baltard. Pour combien de temps y aura-t-il des travaux maintenant dans ce quartier ? Eh bien, vous savez, nous allons faire une très grande fouille pour faire la gare au fond, et ensuite on comblera la fouille avec des surfaces commerciales, en quelque sorte, et animées, et on retrouvera le sol vers 1975. Ensuite, on fera des superstructures au-dessus, et je pense qu'elles pourraient terminer vers 1978 à peu près. Quand les Parisiens vont rentrer de vacances, Baltard, ce sera fini. Les pavillons seront démontés. Mais non, y aura d'abord un certain nombre de pavillons qui ne seront pas encore démolis, et puis il y en a qui seront démontés. C'est justement la nouvelle que je peux apporter, je crois, heureuse pour ceux qui souhaitent la conservation de ces pavillons, c'est que, grâce au président de la République et au gouvernement, un certain nombre de ces pavillons ne seront pas démolis, mais démontés, mis de côté, puis on verra ensuite ce que l'on peut en faire. Un trou de plusieurs dizaines d'hectares, un trou au milieu de Paris. C'est cette image qui, pendant près de 10 ans, restera dans l'esprit des Parisiens et des Français. Celle du trou des Halles, celle des regrets éternels. Avec ce trou commence une nouvelle période de l'histoire du quartier. Et qui dit nouvelle période, dit nouveaux hommes. En 1974, Georges Pompidou meurt et Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République. Le nouveau locataire de l'Élysée entend bien imposer lui aussi son empreinte dans la pierre. Il veut rompre avec le modernisme à tout va de son prédécesseur et il s'inscrit, disons, dans une vision plus classique. Malgré tout, VGE doit composer avec l'héritage de Pompidou. Or, en 1973, un an avant son élection, les architectes Claude Vasconi et Georges Pancréac ont été choisis pour le centre commercial appelé Forum des Halles, c'est-à-dire l'ensemble du projet souterrain qui va de l'interconnexion RER au quatrième sous-sol à 30 mètres de profondeur. Ils expliquent ce projet. C'est notre projet qui a été retenu. Il s'appuyait essentiellement sur le concept fort du projet, c'est-à-dire enlever au maximum à l'ensemble son caractère souterrain par la création d'un cratère, un grand cratère central. Oui, à ce propos, il faut dire ceci, il faut concevoir, il faut bien voir ce projet comme un immense navire immergé, que nous avons complètement éventré, et qui, par le biais de toutes ces verrières, permet d'introduire donc la lumière partout. Si Valéry Giscard d'Estaing ne peut intervenir sur cette partie du projet, il décide néanmoins d'imprimer sa marque sur la surface du plateau. Dans ses bagages, il emmène avec lui Ricardo Bofill, l'architecte catalan, qui propose un bâtiment néo-oriental en rupture avec l'esthétique de l'époque. Un grand palais qui ouvre sur un immense jardin tout le long de la surface des Halles. Alors, après les travaux en profondeur, ceux du dehors démarrent. Mais c'était sans compter sur une réforme politique qui change de nouveau la donne. En 1977, le changement de statut du département de la Seine dote Paris d'un maire. Et c'est Jacques Chirac, l'ancien premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, qui est élu. Le meilleur ennemi du président entend bien à son tour s'imposer sur le chantier du cœur parisien. Et il le dit d'ailleurs, avec une phrase restée célèbre qui laisse peu de place au doute, « L'architecte des Halles, c'est moi ». Suivi d'une autre phrase sur son ambition, disons, chiracienne, « Je veux que ça sente la frite ». Commence alors, sur le trou des Halles, l'affrontement désordonné des hommes de pouvoir et de leurs désirs comme autant de strates successives sur un chantier sans fin. Jacques Chirac maintient le projet Vasconi de Pancréac pour le forum. En revanche, il stoppe celui de Bofill en surface qui a pourtant déjà atteint son premier étage. Au conseil municipal, l'adjoint au maire Denis Baudouin confirme la nouvelle. Les décisions qui ont été prises par le maire, c'est-à-dire l'arrêt de ce qu'on a appelé la construction du bâtiment Bofill, a été ordonnée et elle sera exécutée. Mais il semble que M. Bofill a l'intention de continuer. M. Ricardo Bofill peut faire les déclarations qu'il entend. Je vous dis que les volontés du maire seront exécutées et elles le seront. Un vaste concours qui reçoit plusieurs milliers de candidatures avec un jury prestigieux est organisé. Sur les 600 projets qui s'affrontent, on peut voir tous les courants et les tendances architecturales de l'époque. Finalement, Jacques Chirac opte pour une série de structures construites par l'architecte Jean Villerval, surnommé rapidement Parapluie, et des jardins dessinés par François-Xavier Lalanne. Tous s'en rendent compte, à multiplier les hommes et les idées, ont fini par noyer la cohérence de l'ensemble. pour autant, et bon an mal an, le chantier avance et le trou des Halles se comble. Le 4 septembre 1979, Jacques Chirac inaugure le forum des Halles. Aujourd'hui, l'opération des Halles est achevée aux deux tiers, ce qu'on ignore encore trop souvent. Il nous reste aujourd'hui à réaliser l'espace vert, à définir l'architecture des trois groupes de bâtiments prévus autour de la centrale de climatisation, à achever la zone piétonne, qui sera, je le rappelle, la plus vaste d'Europe. En tant que maire de Paris et représentant d'une municipalité qui a recouvré son autonomie et le statut de droit commun, je me considère comme le premier responsable du bon achèvement d'une opération qui devra être terminée en 1983. Après 8 ans, ce qui fut le trou le plus célèbre après celui de la Sécu est enfin comblé. Une nouvelle page des Halles peut s'ouvrir, ce ne sera pas la dernière. They left the city in Mars. I guess Westfield knows what I want. Feel funny if I die, still heavy. So I swipe left and figured out it's a freak show. Nothing came for following you. So easy to see. You strung me along. It's a freak show. Ooh yeah, I feel it all over my body. Let me out. Let me go. It's a freak show. Shut us down, nothing to see. We're all living here confused, a light some, but we can't be. All this extra tour's giving me years, man. It's a nightmare, I'm screaming out. It's a freak show. Nothing came from following you. It's so easy to see. You strung me along. It's a freak show. Ooh yeah, I feel it all over my body. Let me out. Let me go. It's a freak show. Stuck in my corner of doubt. Try to break free your misery, whatever meant your bull cloud. All these side eyes are leaving me paralyzed. So I sit back and let it out. It's a freak show. Nothing even following you. So easy to see. Strung me along. It's a freak show. Ooh yeah, I feel it all over my body. Let me out. Let me go. It's a freak show. Nothing came from following you. So easy to see. You strung me along. It's a freak show. Ooh yeah, I feel it all over my body. Let me out. Let me go. It's a freak show. Chaque jour, 100 000 personnes descendent dans le ventre de Paris. La plupart viennent faire leurs courses, certains beaucoup moins nombreux, la Manche. Ils sont entre 100 et 200 à peupler le Forum des Halles. Une présence qui dérange, on parle de problèmes d'hygiène et d'insécurité. Le soir, impossible de surveiller complètement un forum devenu cour des miracles. C'est la loi de la jungle, le royaume des bagarres et du racket. Dans les années 90, 10 ans après son inauguration, le quartier des Halles poursuit son histoire et sa légende maudite. D'un côté, une fréquence exceptionnelle, c'est vrai, qui voit passer chaque jour près de 800 000 personnes au centre de Paris dans le réseau d'interconnexion des transports. Premier bénéficiaire, le centre commercial des Halles qui affiche un chiffre d'affaires que l'on compte en milliards d'euros. Et si les boutiques de luxe prévues aux premiers étages ont rapidement été remplacées par des enseignes plus grand public, l'entreprise en charge de la gestion du centre, Unibail, affiche une satisfaction à la hauteur des investissements initiaux. À 40 ans d'intervalle, des anciennes aux nouvelles halles, de la criée des poissonniers au néon des magasins de vêtements, le cœur de Paris épouse l'évolution de la consommation d'une société de service. Ce changement de stratégie sur le type de boutique illustre aussi une réalité sociale propre au quartier des Halles. Depuis 10 ans, le Forum remplit son premier rôle, celui de carrefour à l'échelle de l'Île-de-France. Chaque jour, chaque week-end, les banlieusards se rendent à Paris par cette entrée en plein cœur de la capitale. Les jeunes, notamment, des banlieues périphériques, viennent profiter de la capitale, s'approprient et constituent l'animation de ce quartier. C'est par les souterrains que la barrière périphérique est donc franchie par ces hommes et ces femmes de l'extérieur. Évidemment, ces derniers n'ont pas les mêmes attentes et les mêmes pratiques du quartier des Halles que les riverains. Sur ce point d'ailleurs, l'image du centre de Paris n'évolue pas. Clochards, marginaux, zonards occupent le quartier et les sous-sols. Le trafic de drogue se développe, les chiffres de l'insécurité sont 9 fois supérieurs à l'ensemble de la capitale. Et si les prostituées ont quitté les rues des Halles, les sex-shops se comptent par dizaines. Au final, les riverains se plaignent des actes de délinquance, mais aussi du manque de fonctionnalité et d'accessibilité aux équipements et de commerces de proximité. Bref, depuis 20 ans, les nouvelles Halles sont redevenues un problème. Une situation à laquelle va devoir répondre un nouvel homme, en 2000 en effet, changement historique à la tête de la capitale. Ont obtenu Monsieur Delanoë 92 voix élues. Notre ville a soif de transparence, d'information et d'équité. Faire de la politique, c'est aussi rendre des comptes. J'attends de la nouvelle équipe municipale qu'elle mène en la matière une action exemplaire. À peine arrivé à la tête de Paris, le socialiste Bertrand Delanoë se retrouve confronté au dossier des Halles. Après les attentats du 11 septembre à New York, la RATP alerte les pouvoirs publics. Les dédales de la gare ne sont absolument pas aux normes en cas d'attentat. Sous-dimensionné par rapport à son trafic, incommode, inadapté pour la sécurité, difficile d'accès par la surface, le Forum offre un visage peu glorieux pour la première porte d'entrée dans Paris. Sur le plan urbain, les connexions entre l'intérieur et l'extérieur du vaste plateau des Halles sont un échec. D'un point de vue architectural, à la surface, les parapluies de Villarval tombent en ruine et l'ensemble des réalisations vieillit à vue d'œil. 30 ans après la destruction des pavillons Baltard, 20 ans après l'inauguration du Forum, l'histoire se répète. Pour toutes ces raisons, la société d'économie mixte Paris Centre, qui est en charge de la gestion et de l'aménagement du quartier, conclut que pour résoudre l'ensemble de ces problèmes, il faut repenser complètement l'espace, oui, du sous-sol jusqu'à la surface, de manière globale. Bertrand Delanoë, lui, n'avait pas du tout prévu de s'attaquer à cette question. Et il sait les risques politiques encourus par les chantiers, surtout en plein cœur de Paris, et le symbole aussi des choix architecturaux. Alors il s'oppose à l'idée d'un concours international proposé par la SEM et lance un appel d'offres de marché public. En 2004, 4 projets sont sélectionnés pour la finale. Bertrand Delanoë fait le point. Le massacre qui a été fait au cœur de Paris mérite que pour être réparé, on fasse preuve de douceur, de recherche d'harmonie, mais aussi de créativité. C'est compliqué, d'autant que les 4 projets sont intéressants, contrairement à ce que je lis parfois Je n'ai aucune préférence dans chacun des quatre projets. Il y a des choses qui me plaisent, des choses qui m'inquiètent. Donc travaillons, continuons à réfléchir. Et puis le moment venu, il faudra prendre une responsabilité. Mais quel que soit le projet qui sera choisi, il faudra qu'il évolue. Sur les quatre projets, il y a deux Hollandais, celui de Willimas, un autre de Rem Koolhaas, et deux Français, l'un de Jean Nouvel et l'autre de David Mangin. Les quatre propositions témoignent d'approches très différentes. Une spécialiste résume la situation avec cette phrase « Les Hollandais sont venus en métro, les Français à pied ». C'est vrai que du côté néerlandais, les deux projets proposent la valorisation des sous-sols par des pyramides de couleurs ou des grandes surfaces transparentes. Alors que côté français, la logique est inverse. Le jardin suspendu de Nouvel ou le toit de Mangin invite plutôt à réconcilier l'extérieur avec l'intérieur par l'ouverture de l'un sur l'autre. Bertrand Delanoë veut à tout prix éviter les erreurs du passé et remplace la décision d'en haut par une vaste consultation. Le temps est à la démocratie participative et celle-ci remporte un important succès. La SEM organise une expo qui présente les quatre projets, à l'issue de laquelle les visiteurs peuvent exprimer leurs préférences. Elle reçoit plus de 125 000 personnes cette expo. En deux mois, les sites internet dédiés au projet sont pris d'assaut. Les associations de riverains, au premier rang desquelles l'association Accomplir, sont intégrées au débat. Un front commun se rallie au projet de David Mangin. Ce dernier propose une intervention douce qui prend en compte l'ensemble des acteurs et des enjeux. Les élus verts et l'association Accomplir, notamment, soutiennent ce projet. Des voix qui comptent, c'est vrai, mais pas autant que celle d'Unibail, le propriétaire du centre commercial. Cet acteur de premier plan regarde les propositions sous un œil différent. Laquelle des quatre permettra de conserver au maximum l'ouverture et l'accès des magasins pendant et après les travaux ? Laquelle des quatre prendra en compte la création de nouveaux espaces commerciaux ? Là aussi, c'est le projet de David Mangin qui paraît le plus conciliant avec cette exigence. Finalement, le 15 décembre 2004, le vainqueur est annoncé. S'ils étaient quelque courageux à attendre dans le froid le résultat devant l'hôtel de ville, le soir, ils étaient beaucoup plus nombreux à fêter leur victoire dans un café des Halles. Je lève mon verre au succès. Je pense que c'est un double succès. C'est un succès d'abord parce que le projet de David Mangin est un bon projet. Et puis je crois quand même le deuxième succès, bah, c'est notre succès, le succès d'Accomplir, du collectif Rénovation des Halles. Je pense qu'on a pesé très très lourd dans la balance. Plus au nord de la capitale, le lauréat David Mangin savourait sa victoire entre personnalités plus ou moins connues. Et pourtant, son projet sera nettement remanié. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Paris. Hein. C'est pas mon ego. C'est que les principes qu'on a donnés là aujourd'hui soient respectés. D'abord, l'idée qu'il y a d'une part un jardin, d'autre part un carreau, que ce carreau est à 9 mètres de hauteur, qu'il a comme fonction de filtrer la lumière, que la salle des échanges, elle doit évoluer assez fondamentalement. Donc, je veux dire, tous ces grands principes-là sont actés. Donc voilà, on a gagné. Si Bertrand Delanoë n'a pas fait le choix d'un concours, c'est aussi pour des raisons politiques. On a changé d'époque, et il le sait pertinemment, il ne veut pas supporter seul, sur ses épaules, l'échec possible d'un chantier qui, forcément, l'histoire l'a montré, créera des mécontentements et des tensions. Ainsi, malgré la victoire de David Mangin, le maire explique que le projet choisi peut encore évoluer, qu'il n'est pas gravé dans le marbre. Cette option politique lui permet de se situer dans un rôle de conciliateur entre les architectes et les partenaires. Ainsi, il choisit, avec le projet de David Mangin, un grand principe directeur d'aménagement et il désigne un architecte pilote. Mais tout reste encore ouvert concernant les finitions du plan. À l'annonce du résultat, de nombreux experts soulignent le choix du compromis et parfois le manque d'ambition du projet retenu. À partir de 2004, s'ouvre donc le nouveau chantier des Halles avec son cortège de problèmes, de retards et de protestations sur lesquels nous reviendrons avec notre invité justement David Mangin, acteur de premier plan de cette dernière séquence historique du quartier des Halles. Au final, s'il y a bien une chose que traduit cette histoire, c'est qu'ici, au centre de Paris, la capitale a longtemps montré sa volonté inconsciente d'isolement. Elle n'a jamais su ou voulu prendre en compte sa population périphérique et le désir de celle-ci de vivre une capitale qui est aussi la sienne. Et c'est tout sauf un hasard si c'est au cœur de Paris, là où bat le rythme de cette ville inépuisable, que s'est posé, se pose et continuera de se poser l'impératif des citadins à vivre ensemble. Dans mon quartier, on laisse les armes à l'entrée, les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bobards, les vantards, non, non, pas d'accès. Dans les rues, ça sent le lilas, on laisse le temps s'étaler, on voit le ciel en entier, on parle avec tendresse, la liberté de la gentillesse. Dans mon quartier, on laisse les armes à l'entrée, les radins, les mondains, les malins, les pressés, les blasés, non, non, pas d'accès. Les filles ont les cheveux hirsutes, les garçons portent parfois des jupes. Sur les trottoirs, on écrit des poésies, les enfants claquent les doigts car la musique, c'est la loi. La la la la la. Passeport, c'était rien. Dans mon quartier, vous êtes tous invités, mais quand même, ce quartier faudra l'inventer. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le chantier des Halles. Notre invité, David Mangin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'architecte du dernier projet. Vous avez été sélectionné, comme on l'a dit dans le récit, en 2004. Quel est le degré de fidélité de l'œuvre aboutie par rapport à ce que vous aviez imaginé? On est une adéquation, vraiment? Vous êtes satisfait? Dans votre récit, donc là, je me suis réécouté, j'avais oublié un peu les propos de cette époque-là, mais c'est effectivement ça, c'est-à-dire qu'en 2004, c'est ça qui est intéressant dans mon métier, qui est plutôt un métier d'architecte urbaniste, hein, puisque l'architecte de la canopée, c'est Berger et Anzuti, donc moi et Jean-Marc Fritz de l'agence Sera, donc nous on a travaillé sur l'ensemble. Dans ces grands projets, ce qui est très important, c'est de rendre évident deux, trois choses qui fait que, après, il peut y avoir une multiplicité d'acteurs, et Dieu sait s'il y en a un. Et oui, c'est un vrai millefeuille, hein. Et qui réussissent quand même, on puisse dire, la ligne directrice, c'est ça, et alors après, on va ajuster des questions de programme, des questions de surface, des questions de mise en forme, etc. Mais ces relations-là, on ne bougera pas là-dessus. Et effectivement, je trouve que si je confronte les perspectives qu'on a rendues en 2004, et si je fais une photo du même endroit, on ne s'est pas trop trompé. C'est-à-dire qu'on arrive à voir simultanément, on sait s'orienter. Voilà. Une des grandes critiques que les gens font souvent au HAD, c'est de se perdre. Il y a une espèce d'attraction, répulsion, on est en bas, les verrières, le projet de Vasco, il a plein de qualités, mais finalement, le patio fermé fait qu'il y avait des projet d'ouvrir sur le jardin, ça n'a jamais marché. Donc maintenant, je pense que quand on est au HAL, qu'on soit un jeune de banlieue qui sort des gares, ou qu'on soit un Parisien ou un touriste qui arrive depuis Beaubourg et qui veut aller vers le Louvre, il sait à peu près où il est, où il va et qu'est-ce qu'il va trouver. Et bon, ça c'était quand même un des grands sujets des Halles, en dehors de tous les dysfonctionnements que vous avez rappelés tout à l'heure. Ça montre que l'architecte urbaniste, son souci, c'est la vie des gens, plus que la beauté plastique d'une construction. C'est les deux, mais la place de la vie des gens, elle est centrale, j'imagine. Alors, dans cette affaire, ce qui est extrêmement quand même particulier. Hein. C'est le centre du sang dans un pays très centralisé. Oui, il y a une symbolique. Le président, la mairie, bien etc. Bon, tout ça, c'est ce que les gens appellent la malédiction des Halles. Mais enfin bon, c'est un peu une expression un peu cliché. Voilà. Bon. Donc on voit qu'on peut en sortir. Il n'y a pas de malédiction. Il y a un gros problème qui était le trou des Halles. Et là, effectivement, très peu de gens, même moi qui étais jeune étudiant dans le coin, on ne comprenait pas ce qui allait être fait. Or, en réalité, ce qui allait être fait, c'était le Grand Paris, en fait. Le Grand Paris commence au Halles, c'est-à-dire trois lignes de RER qui se croisent ici, avec un choix technique qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Quand on fait le Grand Paris Express aujourd'hui, on fait les gares à moins 20 mètres, ou à moins 30 mètres, ou à moins 50 mètres, et on ne détruit pas au-dessus. Donc aujourd'hui, évidemment, on n'aurait pas démolit les pavillons Malta. Ça, effectivement, c'est un traumatisme. C'est le côté faire du neuf avec du vieux, qui était voilà, pas dans cette culture à l'époque. Hein. Non, mais il y a eu aussi un choix technique très violent, comme savent le faire les transporteurs, quand ils veulent imposer une solution, ils disent on va faire une grande paroi blindée, comme ça on aura la paix, et on va faire notre affaire à l'intérieur. Mmh. Ça coûte moins cher, ça ira plus vite, etc. Donc, quand déjà un certain nombre de gens ont expliqué, attendez, je sais pas, il y a eu des éditoriaux en première page du Monde disant ne démolissez pas les Halles, il y avait déjà des gens qui pesaient et qui disaient ça fait partie du patrimoine mondial de l'architecture. Et donc il y a eu un choix technique qui était de cette époque-là aussi, c'est vrai, y compris de faire un grand échangeur autoroutier qui devait être raccordé, y compris avec des autoroutes urbaines dans les canaux Saint-Martin et raccordé à l'ensemble. On n'imagine pas comment les valeurs urbaines peuvent changer en une dizaine d'années. Vous pouvez avoir tout le monde de bonne foi va être tout bagnole pour partout, etc. Puis le lendemain, l'eau dans la ville, etc. Les Parisiens l'imaginent très bien, hein, parce que c'est entre avant et aujourd'hui. Ça rend modeste, parce que vous pouvez avoir, sur 30 ans, vous allez avoir des valeurs qui vont complètement basculer. Vous avez senti que vous étiez bien soutenu, hein, vous, à l'époque, par les associations de riverains et Unibail aussi a eu des critiques. Vous concernant, vous avez été très conciliant avec la partie commerciale. Non, enfin, il y a eu des critiques en tout cas. Là, je peux expliquer un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que les Halles, c'est un grand immeuble de grande profondeur. C'est un peu un iceberg, comme a expliqué un de mes collègues tout à l'heure. Donc vous avez 5 étages enterrés. C'est tout à fait étrange d'intervenir là-dedans avec une mécanique, le plus grand multiplex, une piscine, etc. Bon. Donc là-dedans, quand vous faites un projet là-dedans, il faut réparer. C'est pas, il faut déjà réparer tout ce qui ne marchait pas, du point de vue de la sécurité, du point de vue de l'orientation des gens, etc. Et vous avez 3 acteurs principaux, et je dirais en fait 4. Tout s'est joué entre 4 acteurs, avec un maire arrivé au pouvoir qui essayait de concilier, qui avait ajouté la démocratie participative comme donc laissant ouvert l'idée que les gens en allant à l'expo pouvaient peser sur l'affaire, et donc évidemment ça mobilise beaucoup. Si vous avez l'impression que vous pouvez peser sur une décision, tout d'un coup vous bougez. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que ça a pris une ampleur absolument phénoménale. Vous avez des sujets ou des concours extrêmement importants, mais il n'y a pas cette procédure, donc il ne se passe pas grand chose, tout se passe en catimini, si j'ose dire. Donc là vous avez un agent extrêmement important dont on ne pense pas assez, c'est quand même la RATP et le syndicat des transports, qui, eux, a comme objectif que les gens qui arrivent sur les quais ou qui vont au quai sortent le plus vite possible. Oui. Vous avez les commerçants, au sens large du terme, et effectivement, moi, je fais partie des gens qui pensent que comme Pompidou, qu'il y a toujours eu du commerce au Halles et que c'est bien que ça reste un grand lieu commerçant. Et on n'a pas trouvé un autre programme prestigieux à mettre, et ça ne me gêne pas. Parce que moi, j'ai transformé ça avec ce grand carreau qui est quand même très ambitieux, parce qu'il fait quand même 100 mètres par 100 mètres, comme la grande sortie et la grande entrée de la banlieue dans Paris. Et c'est ce que c'est. Et c'est ce que c'est. Sauf qu'on leur donne un accès, ils ont tendance à tous rester au niveau moins 3, les jeunes de banlieue. Et c'est un phénomène très intéressant, les jeunes de banlieue. Il y a eu quelques enquêtes, par exemple, une anecdote, mais qui est assez révélatrice, que vous avez des jeunes qui viennent des cités en RER, qui arrivent au Halles, ils se changent dans le RER, pour ne pas avoir le costume, entre guillemets, qu'ils ont dans la cité, qui les stigmatise et qui leur donne un rôle dans la cité. Et donc, ils s'habillent en jeunes de banlieue. Ils ne s'habillent plus en mon rôle dans la cité, de Stinde, etc. Et ils se rencontrent là. Donc, c'est un lieu très, très fort et très, très intéressant. Et donc, voilà, nous on accepte ça, et simplement on leur donne... Alors il faut concilier les parcours des commerçants qui, eux, veulent que les gens restent, et les parcours des transporteurs qui veulent que les gens sortent le plus vite possible. Et les riverains qui voulaient quasiment le même jardin qu'ils avaient avant. Donc les riverains... ils ont été copains avec nous réciproquement, et à un moment, ils voulaient absolument qu'on garde le même jardin. Or, c'était pas du tout ça notre idée. Notre idée, c'était de voir plus grand. Donc ça, je pense que c'est bien, eux aussi, d'une certaine manière, mais un jardin beaucoup plus ouvert à beaucoup plus de monde, ce qu'il est quand vous y allez en ce moment, vous allez voir le nombre de gens qui s'installent et qui sont... Et si vous comparez aux surfaces utiles du jardin d'avant, c'est absolument incomparable. Alors, justement, puisque vous nous parlez des gens avec toujours ce souci-là, et c'est bien ce qu'on attend d'un architecte urbaniste, on va les écouter, les gens, grâce à cette jeune femme qui est en face de nous, que je vous présente, qui s'appelle Anaël Verzo, qui est notre reporter. Bonjour Anaël. Bonjour. Il y a 3 jours, vous êtes allé au hall, voir à quoi ressemble le nouveau forum, et surtout ce qu'en pensent les usagers et les riverains. Oui, Fabrice, mais malheureusement, j'ai pas pu tourner à l'intérieur du forum et je me suis même fait jeter par les agents de sécurité parce que je n'avais pas le feu vert du Nibail. Unibail, bien sûr. Ben oui, ça peut sembler incroyable, on en a parlé un peu, mais reparlons-en, parce qu'en 2010, donc la mairie de Paris a vendu son sous-sol au groupe Unibail pour 238 millions d'euros. Alors à l'époque, il y avait plusieurs élus qui s'y étaient opposés, dont Jacques Boutot, qui était maire écolo du 2e arrondissement de Paris. Il avait dénoncé cette privatisation du sol. L'une des entreprises les plus rentables du CAC 40 va se retrouver propriétaire de 56 000 mètres carrés en plein cœur de Paris. Et ça y est, c'est fait, donc Unibail ne délivre pas d'autorisation pour tourner dans le forum, sauf si on fait un publi-reportage. Oui, c'est ça, c'est comme si on allait faire de la pub pour Unibail. Bon, vous êtes allé juste devant le forum, alors vous n'avez plus de choix, et vous avez sondé les jeunes. Bonjour, excusez-moi, je fais un report. Non, c'est la radio. Ouais. Et je fais un reportage sur les Halles. Passons, moi aussi, je suis là tous les jours. Vous ne pouvez pas tomber c'est mon rêve, vous ne pouvez pas tomber là. C'est vrai ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la canopée, là, le nouveau toit? Bah, franchement, il est bien, mais il y a quelques petits problèmes, c'est en fait. Innovant. Enfin, il y a quelques petits problèmes pour que, quand la pluie, elle passe, en fait. Ah. Parce qu'effectivement, s'il y a des trous, la pluie rentre. Et donc, il y a de l'eau? Il y a de l'eau, surtout vers le café, là-bas. Ouais, et entre les escaliers, là-bas. Bonjour. Pour vous, les Halles? C'est mieux maintenant, c'est bien refait, donc... c'est plus beau. C'est plus beau. Bah non, justement, ça gâche la simplicité du truc, enfin, le paysage, quoi. Ils ont mis un grand truc comme ça et tout, en plein milieu. Non, c'est plus beau. Personnellement, je préférais comment c'était avant. Ouais. Là, en fait, on reconnaît plus, en fait, trop le quartier des Halles, vraiment. Tous ces bâtiments, enfin, c'est des choses modernes, en fait. Avant, c'était plus authentique. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 19 ans. Moi, j'habite à Pantin. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Bah, les magasins. Ouais, les magasins. Et voir ma grand-mère. Comment tu t'appelles? Sarah. Sarah, est-ce que tu te souviens de la première fois que t'es venue ici? Ouais, si, je me souviens. Tu me racontes? Bah, j'étais quel âge? 8-9 ans, je me rappelle plus exactement. Je sais pas si vous voyez derrière. Enfin, il y avait une sortie de métro, du coup. Et j'étais sortie et j'allais chez ma grand-mère. Et en fait, ça m'a surpris parce qu'il y avait beaucoup de gens, mais c'était agréable, en fait. Et j'avais mon petit parc là-bas, mais il n'existe plus maintenant. Moi, j'appelais ça le jardin payant. C'était, en fait, il y avait des activités le samedi après-midi pour les enfants qui venaient. Et fallait payer parce qu'en fait, il y avait des animateurs avec nous. Et qu'est-ce que tu penses du nouveau jardin? Ça va, mais... J'ai vu mieux. Mais le week-end, est-ce que tu viens de poser là? Non, jamais. Non. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Sofiane. Et toi? Et moi, je m'appelle Alim. Moi, j'habite à Saint-Denis. Dédicace à Franc-Moisin. T'habites au Franc-Moisin? Voilà. Moi, j'ai 20 ans. Mais... Moi, j'ai 19 ans. Alim, tu te rappelles la première fois que t'es venu ici? Moi, la première fois que je suis venu ici, là, c'était pour faire un plan, en fait. Pour vendre du site? Voilà, j'ai fait une transaction et c'est mieux ici. Et voilà. Et qu'est-ce que tu penses du toit, là, du nouveau toit? Du toit, là? Franchement, c'est beau et tout, mais je sais pas. Là, ça a dû coûter des sous. Hein. Au total, les travaux, 1 milliard. 1 milliard. Elles ont de l'argent à jeter. Hein. Franchement, moi, je vous dis, hein, c'est bien beau de faire plaisir aux gens en montrant des trucs et tout. Mais bon, c'est pas ça qui va apporter le bonheur de tout le monde. Il y en a ici, regardez, ils dorment ici la nuit dehors. Et franchement, ces gens-là, c'est ceux qu'il faudrait aider. Donner 1 milliard à Châtelet, donner 1 milliard aux gens qui dorment à Châtelet. C'est tout. Mon cousin, il dormait ici pendant quelques années, quand même. Ton cousin? Oui, mon cousin. Il a quel âge? Il a 22 ans. Et il dormait là, il a un appart, un travail. Mais bon, avant, il dormait là et bon, j'avoue que c'était chaud. Et les SDF sont toujours là? Alors, on a entendu les usagers, hein, ceux qui profitent de cet endroit. Que pensent maintenant les riverains? Alors, Anaëlle, vous avez fait une balade avec Jacques Chavonnet, président de l'Association pour la défense des riverains et l'animation du quartier des Halles. Et il vous connaît visiblement assez bien, David Mangin. Ah, bon, on va écouter ça. On voit la canopée, un bureau de change, de vieilles affiches politiques qui sont restées là. Et les travaux, toujours. On avance, on aperçoit le magasin M. Tous ces magasins sont ouverts, mais de toute façon, ils n'ont pas fermé hein, pendant la période des travaux. Non, ils n'ont pas fermé. Sous la pression du Libail, qui était effectivement le propriétaire des lieux et qui n'a pas voulu fermer les commerces. Parce que Unibail, le propriétaire du sous-sol, puisque la mairie de Paris a revendu le sous-sol à Unibail. Le résultat a été 156 nuits pour acheminer des poutres. C'est oui, les poutres qui sont sur ce toit. C'est essentiellement le toit. La canopée. Oui, la canopée. Ça a 156 nuits. Oui, où... les ouvriers sont venus pendant la nuit déposer... Absolument, des poutres qui faisaient plus de 8 tonnes. Ça faisait beaucoup de bruit et des nuisances sonores qui, au départ, n'étaient pas prévues. En plus, vous avez les fameux klaxons de recul qui sont légaux et qui sont de nature à réveiller le meilleur dormeur. On continue notre petit tour. Là, on se trouve au milieu des arbres en face de Saint-Eustache, de l'église Saint-Eustache. Ce sont des arbres qui viennent d'être plantés et qui remplacent d'autres arbres. Je me souviens qu'ici, il y avait le grand jardin. Absolument. Avec des arbres assez hauts qui permettaient de s'abriter du soleil. Ils ont tous été abattus un matin, un peu plus de 250. 250 Plus de 250, oui, absolument. Nous, si on a voté pour Mangin... Au départ, nous, riverains, c'était parce qu'il était au départ le seul à protéger les 2,2 hectares de jardin qu'il avait dit qu'il protégerait. Ce jardin est beaucoup plus bétonné qu'on le pensait au départ, en tous les cas, qu'on l'a souhaité lorsqu'on l'a voté pour lui. Vous voyez, du béton, toujours du béton, du béton, et c'est pas propre. Allez vous asseoir là-dessus. Regardez. Bon, en tout cas, les oiseaux sont toujours là. C'est le mal que je souhaite à ceux qui l'ont construit, c'est que finalement le retour soit positif et que le quartier des Halles retrouvera sa splendeur. David Mangin, évidemment, ça n'a pas valeur de sondage. Hein. C'est un reportage, ouais. Ce sont quelques impressions prises comme ça les unes après les autres. Alors ça peut être toujours un peu brutal, parce qu'on parle de... C'est presque intime, on parle de ce que vous avez fait. C'est vous à travers ça, mais c'est aussi... Non, c'est tout à fait normal non, également. Non, hein. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? D'abord, peut-être corriger quelques faits. Hein. Quand les gens disent c'est un milliard la canopée, non, la canopée c'est un sixième de un milliard. Non, un milliard, c'est l'ensemble. Oui, c'est l'ensemble, oui, mais les gens pensent... Oui, il disait un toit comme ça, ça coûte cher. Un toit comme ça, ça coûte un milliard, ça coûte cher. C'est, alors, c'est un sixième seulement des travaux. L'essentiel du budget, c'est la transformation des systèmes de transport, de la salle d'échange, de sortir de la sécurité, etc., qui sont des ouvrages, dans des ouvrages qui existent, avec une contrainte générale dont les gens peuvent se plaindre, mais en même temps, c'est tous les gens demandent ça. C'est-à-dire qu'on continue à faire fonctionner les Halles malgré les travaux. Vous avez besoin des voyageurs, le RER a besoin de marcher, donc vous faites des chantiers de nuit dans des systèmes extrêmement étroits, et donc on peut pas faire autrement. Et juste une dernière remarque. Notre projet, c'est celui qui construisait le moins de surface de commerce en plus. Tous les autres projets construisaient beaucoup plus, et ils disaient, bon, alors on va faire plus de commerce, donc ça va payer notre projet. Donc, voilà. Alors, effectivement, il y a un débat sur la propriété publique du sol qu'on peut avoir tout à fait légitimement, oui. En tout cas, merci infiniment, David Mangin, d'être venu nous donner tous ces éclairages. Vous qui êtes si bien placé pour en parler, évidemment. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr. Après le flash, vous retrouverez Parole, bien sûr, avec Émilie Blond-Betzinger.